Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation au naturel, non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France, auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment Churchill a-t-il persuadé les Américains de consacrer leur effort de guerre en Afrique du Nord française et qu'il était trop prématuré de faire un débarquement dans l'Europe occupée par les puissances de l'Axe? Comment le dénouement en Afrique du Nord ouvre-t-il les perspectives politiques au Proche-Orient, s'interroge l'historien Henri Laurence. Professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence s'interroge au travers d'un grand récit analyse l'hégémonie britannique de 1926 à 1956 dans le cadre de sa série pluriannuelle consacrée aux crises d'Orient. Nous voici en pleine Seconde Guerre mondiale, en 1942, alors que l'Africa Corps de Rommel met en péril les positions britanniques. Le sort de la bataille du désert semble alors incertain. À la fin du cours précédent, Henri Laurence a ouvert la question du nationalisme arabe dans la guerre et il a rappelé la poursuite du jeu triangulaire en Égypte entre le roi, les Britanniques et le gouvernement wafdiste dirigé par la figure de Nahar Pacha. L'historien a également rappelé les tensions entre Français et Britanniques au Proche-Orient. Ainsi, au Levant, le conflit est permanent entre le général Catroux, proche de De Gaulle, et le général britannique Spears. Si les Français libres disposent de peu de moyens, l'infrastructure administrative est néanmoins progressivement reconstituée. Cela posé, Henri Laurence avait souligné l'action de Spears cherchant à établir une influence britannique dans un Levant indépendant, tandis que les responsables français voient partout l'action occulte d'agents de l'Intelligence Service, paranoïa complotiste qui date de la fin de la Première Guerre mondiale, avait rappelé l'historien. Catroux finasse avec les Britanniques, note encore Henri Laurence, tout en étant persuadé que l'indépendance de la Syrie et du Liban est inévitable. Mais De Gaulle, qui se considère comme le gérant des intérêts nationaux, refuse jusqu'au dernier moment chaque concession. Enfin, notait encore Henri Laurence, les classes politiques syriennes et libanaises ont parfaitement compris ces oppositions et sont prêtes à en jouer pour faire avancer leur propre but. Nous voici donc au tournant des années 1942-1943. Comment les Britanniques ont-ils réussi une efficace réorganisation de l'économie au Proche-Orient pendant le Second Conflit mondial et comment les Américains ont-ils fait la démonstration de leur énorme puissance et de leur logistique formidable? Qu'est-ce que la question controversée des nationalistes arabes radicaux en Allemagne nazie? Comment la guerre contre les Juifs devient pour Hitler le point central? Qu'est-ce que la fin du commencement? De la panique en Égypte de 1942 au débarquement allié en Afrique du Nord le 8 novembre 1942 à ce qu'on a appelé Tunisgrad en 1943 en référence à la bataille de Stalingrad en Union soviétique. Enfin, comment Ben Gourion tente-t-il de mobiliser le judaïsme américain et dans quel contexte? Nous gagnons le Collège de France le 12 décembre 2018 pour le cours d'Henri Laurence intitulé « Les crises d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956 ». Aujourd'hui, la fin du commencement. La fois dernière, nous étions dans la Seconde Guerre mondiale et je vous ai évoqué le dossier syrien et égyptien. Dans cette période qui va jusqu'à 1942. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, donc, c'est que Nahas Pacha, donc le chef du WAFD, et Shoukry Al-Kerwatli, chef du Bloc national, donc le grand parti national égyptien, le grand parti national syrien, se sont ralliés dans des contextes différents à la politique britannique. Alors évidemment, il y a toujours des aspects tactiques dans cette affaire, mais cela démontre que les deux principales forces politiques de la région n'avaient aucun penchant envers les puissances de l'Axe. Ce qui est moins le cas, disons-le, de la mouvance islamiste en gestation, celle des frères musulmans, qui, elle, avait peut-être plus d'ouverture de ce côté-là. Mais en tout cas, en 1941-1942, le discours permanent des Français et des Britanniques, c'est la situation militaire qui interdit pour l'instant de prendre des initiatives politiques. Et à dire vrai, les forces politiques arabes partagent à peu près la même analyse. Ils attendent le sort de la grande bataille qui va s'engager dans le désert occidental. En même temps que les Britanniques ont renforcé la 8e armée en dépit de ses revers, ils ont réorganisé la totalité de l'économie du Proche-Orient en créant le Middle East Supply Center, qui est un organisme de gestion centralisée des ressources de la région. En particulier les importations, parce qu'elles sont tombées à un niveau le plus bas à cause de la guerre. Et en même temps, et ça c'est aussi important pour une partie de la région, pas pour l'Égypte, malheureusement pour les Égyptiens, parce que l'Égypte ne bénéficie pas du prêt de bail, mais les autres pays de la région, si. Donc la gestion du prêt de bail américain, ce mécanisme par lequel les produits américains viennent gratuitement pratiquement, puisqu'ils sont censés être remboursés plus tard par les gens qui le reçoivent. Autrement dit, le Middle East Supply Center est la seule expérience de gestion économique intégrée de l'ensemble du Moyen-Orient. Et, disons-le tout de suite, ça a été une assez belle réussite, puisque ça a permis d'éviter les disettes, comme la région en avait été atteinte durant la Première Guerre mondiale, et par le contrôle strict des prix, le Middle East Supply Center a aussi lutté contre les spéculations sur les denrées alimentaires, comme il y en avait eu durant la Première Guerre mondiale. Alors, il faut retenir aussi que, évidemment, au Syrie et au Liban, pour les Français libres qui tiennent maintenant le mandat, le Middle East Supply Center, c'est un cauchemar. Les Français ils voient une nouvelle manigance anglo-saxonne pour s'emparer du Levant. Je vous avais dit que j'avais rencontré jadis le capitaine Buis, et quand je lui avais parlé du Supply Center, je l'avais vu tout de suite se raidir, tout le souvenir de l'ennemi était là. Alors parallèlement, les Britanniques dépensent sans compter pour assurer le ravitaillement de leurs différentes armées du Moyen-Orient. Il va en ressortir un ensemble de créances qu'on vu entrer dans l'histoire sous le nom des balances sterling, dont les comptes sont bloqués à Londres. C'est-à-dire le mécanisme, c'est qu'en gros, les Britanniques forcent les pays de la région à ouvrir des crédits sur la place de Londres. Donc les dépenses britanniques sont payées en balances sterling. Et elles vont rapidement atteindre des niveaux extrêmement élevés, ce qui va peser lourd, on le verra dans la suite du cours, sur l'après-guerre, la question des balances sterling. Alors d'habitude, c'est la puissance impériale qui dispose de dettes sur les pays de la région, tandis que maintenant, c'est la puissance impériale qui est endettée par rapport aux pays qu'elle domine. Et donc, de toute cette affaire, les Britanniques ne réussissent pas à limiter l'inflation qui frappe très fort la région, mais qui a des très bonnes applications économiques. La multiplication environ par 5 des prix amène une quasi-liquidation de l'usure rurale dans les régions du Proche-Orient, en particulier en Palestine. puisqu'en gros, les paysans payent leurs dettes au cinquième de leur valeur. Et comme les prix ont monté à cause des commandes britanniques, ils se désendettent complètement. Et ce qui fait qu'en 1945, un pays comme la Palestine, l'usure rurale a été pratiquement éliminée à cause de l'inflation de la guerre. De même, vous avez de l'industrialisation par manque de produits importés, tout simplement, donc par substitution aux importations. Alors bon, dans des pays comme l'Égypte, il y a une véritable industrialisation avec des usines relativement importantes. En Palestine, que ce soit en secteur arabe ou juif, en général, ça ne dépasse pas des entreprises d'une dizaine, d'une vingtaine ou d'une trentaine d'employés. Et les produits qu'on fournit, c'est d'abord des produits d'usage quotidien, comme des uniformes, pour le million de soldats que les Britanniques sont en train d'engager dans le désert occidental. Alors, si sur place, finalement, il y a l'attentisme et l'alliance politique avec la puissance impériale, reste à voir l'autre question, les nationalistes arabes radicaux et l'Allemagne nazie, question toujours controversée jusqu'à aujourd'hui parce que ça a beaucoup d'implications dans les discours actuels. Alors d'abord, premier appel, ces nationalistes arabes radicaux ont fui l'Irak devant l'invasion britannique et se sont repliés soit sur la Syrie de Vichy, soit sur l'Iran. Et puis ensuite, les Britanniques ont occupé la Syrie et l'Iran. Donc ceux qui n'ont pas été faits prisonniers à ce moment-là se sont réfugiés en Turquie. Et les Turcs n'étaient pas très chauds à recevoir des personnalités relativement compromises. Donc, pour l'essentiel, les plus grandes personnalités n'ont fait que séjourner en Turquie avant d'être poussées dehors par les Turcs pour être envoyées dans l'Europe occupée par le nazisme. C'est pas le cas des personnalités de demi-rang, je veux dire en dessous, qui, elles, ont pu rester en exil politique en Turquie. Un jour ou l'autre, je voudrais faire une étude, parce qu'on a trois journaux d'hommes politiques arabes de la période qui rapportent leurs événements quotidiens lors de leur exil en Turquie entre 1941 et 1945. Donc, pour la perception des événements, c'est tout à fait intéressant. Alors, le premier avoir pu se rendre en Europe, on l'a vu, c'est Kaoukji, puisque les Allemands l'ont amené par avion sanitaire après sa blessure en Syrie. Donc les autres, ils n'avaient pas vraiment le choix, mais leur choix était plutôt l'Allemagne nazie, parce qu'elle paraissait désintéressée par rapport au monde arabe, plutôt que l'Italie fasciste, dont évidemment les ambitions territoriales au détriment des Arabes étaient connues de tout. Alors, le second à arriver en Allemagne nazie, c'est Rajamin el-Husseini, le mufti de Jérusalem, qui a réussi à s'évader d'Iran. Donc c'est sa troisième évasion, après Jérusalem, le Liban. Là, il s'est évadé de Téhéran. Rassurez-vous, il fera une quatrième en 1946. Il sera un bon professionnel. Et il a été pris en charge par les Italiens, qui le font venir à Rome, où il est reçu par Mussolini le 27 octobre 1941. Et les Italiens lui proposent de reconnaître l'indépendance et la souveraineté complète des pays arabes du Proche-Orient, c'est-à-dire le Levant, la Palestine, la Transjordanie et l'Irak, mais non l'Égypte ou la Palestine. Et il n'y a pas de soutien de l'Italie fasciste à un quelconque panarabisme. Ensuite, Rajamin part pour l'Allemagne et il est d'abord reçu par Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères du Reich, qui lui explique que l'Allemagne est prête à reconnaître l'indépendance des pays arabes. Mais pour l'instant, il n'est pas question de constituer un grand bloc arabe unifié à cause de l'opposition de la Turquie d'un côté et de la France de Vichy. Et c'est dans ce contexte que le 28 novembre 1941 à Jamin et reçu par Hitler au quartier général en Prusse orientale. Alors là, il faut bien avoir à l'esprit le contexte historique immédiat. 28 novembre, donc la fin novembre 41, c'est le moment où les Allemands commencent à enregistrer leur premier revers en Russie. La bataille de Moscou est engagée et ça commence à craquer du côté de l'armée allemande. Et d'autre part, après des travaux minutieux des historiens, c'est dans ces jours-là, on ne peut pas donner une date plus précise, c'est dans ces jours-là que la décision d'extermination des Juifs d'Europe est prise au plus haut niveau de l'Allemagne nazie. L'entretien a lieu en français, parce que Benjamin Netanyahu a été formé à l'époque ottomane, donc il pratique le français et que Hitler n'avait pas à sa disposition un interprète pour l'arabe. Donc la discussion a eu lieu avec l'interprète habituel Paul Schmitt en français. Donc le compte-rendu officiel est rédigé en français, celui qui est tiré des archives allemandes. Et donc le Mufti explique que les Arabes ont le même ennemi que les Allemands, c'est-à-dire les Juifs, les Anglais et les Soviétiques. Et il demande une déclaration publique reconnaissant l'indépendance des Arabes et la suppression du foyer national juif. Alors, selon le compte-rendu des archives allemandes, le Führer répliqua que l'attitude fondamentale de l'Allemagne dans cette question, comme le Mufti l'avait déjà déclaré, était claire. La position de l'Allemagne était une guerre sans compromis contre les Juifs. Cela incluait naturellement une opposition active au foyer national juif en Palestine, qui n'était rien d'autre qu'un centre sous la forme d'un État servant à l'influence destructrice des intérêts juifs. L'Allemagne savait aussi que l'affirmation que les Juifs accomplissaient une fonction de pionnier économique en Palestine était un mensonge. Le travail avait été seulement le fait des Arabes et non des Juifs. L'Allemagne était résolue pas à pas à demander à une nation européenne après l'autre de résoudre son problème juif et au moment approprié, il y aurait aussi un appel similaire aux nations non européennes. Bon, là, rappelez, on est dans le contexte de l'ordre d'extermination. L'Allemagne était à présent engagée dans un combat de vie ou de mort avec les deux citadelles du pouvoir juif, la Grande-Bretagne et la Russie soviétique. Les États-Unis ne sont pas entrés encore en guerre, ils vont entrer en guerre dans 10 jours. Théoriquement, il y a une différence entre le capitalisme de l'Angleterre et le communisme de la Russie soviétique. En fait, cependant, les Juifs dans les deux pays partageaient un but commun. C'était un combat décisif. Sur le plan politique, cela se présentait principalement comme un conflit entre l'Allemagne et l'Angleterre, mais idéologiquement, c'était une bataille entre le national-socialisme et les Juifs. Cela allait sans dire que l'Allemagne apporterait une aide positive et pratique aux Arabes engagés dans le même combat, mais parce que les promesses platoniques étaient sans effet dans une guerre pour la survie ou la destruction dans laquelle les Juifs étaient capables de mobiliser tout le pouvoir de l'Angleterre pour leur fin. Donc là, il est absolument essentiel de comprendre que dans la radicalisation cumulative du nazisme, la guerre n'est plus contre les Anglais ou contre les Russes. La guerre est contre les Juifs. L'extermination des Juifs n'est pas un détail de la Seconde Guerre mondiale. Pour Hitler, c'est le point central de la Seconde Guerre mondiale. La lutte contre l'Angleterre ou contre les Soviétiques étant plutôt le détail. Il faut bien comprendre cet enchaînement de pensées qui peut nous paraître aujourd'hui tout à fait surprenant. Alors, il est assez clair qu'au moins à cette date, le Mufti ne comprend pas l'ampleur du délire racial d'Hitler, puisqu'il lui dira lors de sa troisième et dernière rencontre, quelques jours après, que les Arabes pensent que ce ne sont pas les Juifs, mais le sionisme qui est à l'origine des sabotages. Hitler voudra alors le convaincre d'étudier le racisme scientifique, qui le conseillera vivement d'aller visiter le musée racial ou l'institut racial de Berlin, où les choses lui seront explicitées. En tout cas, et ça on passe maintenant du discours idéologique au réel politique, Hitler se dérobe devant la demande de déclaration parce que le point essentiel pour lui, c'est qu'il ne faut pas pousser l'Afrique du Nord de Vichy à passer du côté de Gaulle. En revanche, là je reviens sur le procès verbal, le Führer fait alors la déclaration suivante au Mufti, lui enjoignant de la tenir au secret dans le plus profond de son cœur. 1. Il, le Führer, poursuivrait la bataille jusqu'à la totale destruction de l'empire judéo-communiste en Europe. 2. Un moment qu'il n'est pas encore possible de fixer exactement aujourd'hui, mais qui, n'importe comment, n'était pas trop loin, les armées allemandes devraient atteindre la porte sud du Caucase. 3. Aussitôt que cela se produira, le Führer donnerait de son propre mouvement au monde arabe l'assurance que l'heure de sa libération est arrivée. L'objectif de l'Allemagne serait seulement la destruction de l'élément juif résidant dans l'espace arabe sous la protection de la puissance britannique. À cette heure, le Mufti serait le porte-parole le plus autorisé du monde arabe. Ce serait sa tâche de lancer les opérations qu'il avait secrètement préparées. Quand ce moment viendra, l'Allemagne pourrait être indifférente à la réaction française à une telle déclaration. Donc, Hitler dit, à cause de l'Afrique du Nord de Vichy, je ne peux pas proclamer l'indépendance des États arabes. Il faudra attendre la fortune des armes, c'est-à-dire le passage de l'armée allemande par le Caucase, pour faire une telle déclaration. Le 21 novembre, donc la même semaine, le troisième arrivé à Berlin, enfin arrivé en Allemagne, c'est Rachid Ali al-Kailani, le chef du gouvernement irakien de la révolte contre les Britanniques. Et il se présente comme le porte-parole des Irakiens et des Arabes de l'ensemble syrien. Mais les Allemands ne lui reconnaissent que la fonction de premier ministre d'un Irak libéré. Ajamin n'a pas un tel statut, mais lui se pose en défenseur des Arabes d'Afrique du Nord et tente de jouer l'Italie contre l'Allemagne. Alors, les premiers mois de 1942 seront consacrés par les exilés à négocier le texte d'une déclaration des puissances de l'Axe en faveur de l'indépendance arabe. Si ces dernières acceptent bien volontiers la suppression du foyer national juif, elles s'en tiennent à la reconnaissance de l'indépendance de l'Irak, qui est de toute façon théoriquement indépendant depuis 1932, et à des expressions de solidarité avec le Mufti, considéré comme le chef des peuples arabes, mais on ne s'engage jamais sur l'indépendance des pays arabes dans leur globalité. On voit en plus Rachid Ali Kailani revendiqué pour l'Irak le Koweït, vieille obsession irakienne, et l'ensemble du châtel arabe, ce qui est un facteur de complications supplémentaires pour une Allemagne qui cherche à ménager et l'Arabie saoudite et l'Iran. Le Mufti et Kailani tentent alors de créer une unité de volontaires arabes se battant aux côtés de l'armée allemande, mais la base de recrutement est faible. Il y a des proches orientaux en Europe, essentiellement des étudiants et des prisonniers de guerre. L'échec est sans appel puisqu'en mai 42, le total des volontaires arabes engagés du côté allemand s'élèvera à 130 personnes. Le refus d'une déclaration publique annonçant l'indépendance ne motive pas à s'engager, en particulier chez les Maghrébins. De plus, Italiens et Allemands se disputent le contrôle de ces combattants arabes. Ajamin est prêt à jouer la carte italienne, ce que refuse Kailani, d'où une discorde dans le camp arabe, se divisant entre partisans de Kailani et partisans du Mufti, Kaoudji se mettant du côté des adversaires du Mufti. Les perspectives géopolitiques entrent en ligne de compte. Si les Allemands passent le Caucase, ils deviendront les maîtres du Proche-Orient, donc de l'Irak. Si les Germano-Italiens l'emportent dans le désert occidental, l'Italie restera la puissance majeure. Alors, au-delà de la rivalité des personnes, Ajamin se présente comme le représentant d'une organisation pan-arabe héritière et continuatrice des mouvements clandestins de la Première Guerre mondiale. Ce qui est exact, c'est qu'il avait milité dans une telle organisation durant la Première Guerre mondiale, Al-Fatah, mais elle n'existe plus et il n'en est pas le chef. De même, il se prétend être un chef religieux dont l'autorité s'étend à tout l'islam. Il a réussi à s'attirer les sympathies des cercles dirigeants nazis qui d'ailleurs trouve que sa complexion de peau assez blanche fait probablement de lui un circassien, donc un arien, et pas vraiment un arabe sémite. Parce qu'il faut toujours comprendre que les nazis voient le monde dans la grille raciale. Face à ce danger, Kailani dénonce les prétentions du mufti comme étant un bluff fondé sur aucune base réelle. Alors là, maintenant, nous allons voir ce qui est entré dans l'histoire dans une expression célèbre de Winston Churchill, la fin du commencement. Maintenant, ce n'est pas la fin, ce n'est même pas le commencement de la fin, mais c'est peut-être la fin du commencement. La chute de Tobrouk le 21 juin 1942 constitue un revers majeur pour les Britanniques. Churchill, qui se trouve en visite à Washington, obtient un accroissement des livraisons de matériel militaire à destination du Proche-Orient. Dans la foulée, l'Afrika Korps pénètre en Égypte le 24 juin et le 1er juillet prend position à El Alamein, à moins de 60 km d'Alexandrie, ce qui provoque un vent de panique en Égypte. Le signal est donné par les Britanniques eux-mêmes, puisque la flotte de guerre stationnée à Alexandrie part pour des ports plus sûrs comme Port Saïd, Haïfa et Beyrouth. Une déclaration germano-italienne du 2 juillet annonce que les forces de l'Axe sont pénétrées en Égypte pour en expulser les Britanniques. Le principe est l'Égypte aux Égyptiens, mais il n'est toujours pas question d'une indépendance complète et souveraine, ni de l'union avec le Soudan, ni des aspirations arabes. En fait, comme le montre ce texte italien signé par Mussolini, il s'agit d'un régime d'occupation. Et donc, voici la proclamation chargée de mettre l'Égypte sous occupation italienne à la suite de la prochaine victoire militaire. D'ailleurs, le Duce se rend en Libye et il attend avec son cheval blanc la victoire pour arriver et faire une entrée solennelle au Caire. Il va attendre un certain temps. En tout cas, au Caire et en Alexandrie, les civils européens sont évacués avec précipitation vers la Palestine, tandis que les services administratifs commencent à brûler les archives. En revanche, Naras Pacha et Farouk gardent leur dignité et refusent de quitter la capitale. Et les autorités mandataires de Palestine refusent d'accueillir les Juifs du Caire. La panique a duré environ une semaine. Si une partie de la population urbaine égyptienne a semblé voir d'un bon œil l'entrée des Allemands, il n'y a eu aucun soulèvement ni acte de violence. Rommel est à bout de ses possibilités logistiques. Ses lignes de ravitaillement s'étendent sur 1600 km et sont soumises au bombardement de la RAF. Les premiers jours de juillet 42 voient la première bataille d'El Alamein, où les forces épuisées de l'envahisseur se heurtent à une nouvelle bataille d'usure. Parce que, vous vous rappelez, vous avez expliqué, la guerre du désert, c'est à la fois une guerre de yo-yo et ensuite une guerre de position. Donc on va alterner maintenant soit les positions, soit le yo-yo. Pendant ce temps, Churchill a réussi à persuader les Américains qu'il était trop prématuré de faire un débarquement en Europe occupée et qu'ils devaient consacrer leurs efforts à un débarquement en Afrique du Nord française. Si certains responsables américains grommellent qu'ils ne sont pas entrés en guerre pour sauver l'Empire britannique, la lecture de la carte est suffisamment claire. Puisque l'armée allemande a pris l'offensive dans le sud de la Russie, maintenant, et pas sur Moscou. Et le 17 juillet 1942 commence la grande bataille de Stalingrad, tandis que les Allemands pénètrent dans le Caucase. Ils vont arriver en septembre au niveau de la Tchétchénie, où ce seront la pointe ultime. En Asie, les Japonais tiennent maintenant la Birmanie et sont aux portes de l'Inde. Autrement dit, si vous voyez une carte à planisphère, vous comprenez que le Moyen-Orient est le centre de convergence de l'armée qui est en Afrique et qui se bat dans le désert occidental, celle qui arrive par le Caucase, et la troisième qui est aux portes de l'Inde. Donc on peut de façon fictive, voir la convergence des trois armées au centre du Moyen-Orient. Alors les stratèges américains considèrent que si les Allemands passent le Caucase et le canal de Suez, l'armée américaine sera contrainte d'intervenir dans l'ultime bataille dans le sud de l'Irak, où elle risque d'être saignée à blanc. Et d'ailleurs, ils ont déjà identifié le lieu de la bataille. C'est Umm Qasr, à l'extrémité du châtel arabe sur le Golfe. Bon, ça vous dit plus grand-chose, mais ceux qui sont un peu plus âgés se rappellent que c'était l'une des principales batailles en 1991 et en 2003. Donc c'est assez curieux, enfin, il y a une résonance là de voir que les stratèges américains pensent que la bataille finale aura lieu à Umm Qasr si les Allemands avancent jusque-là. Donc en conséquence, la décision à prendre, c'est bien le débarquement en Afrique du Nord. Alors, faut être réaliste aussi, maintenant la lecture des archives américaines montre qu'il y avait beaucoup de bluffs du côté des Américains, parce qu'en réalité, les soldats américains, ils sont pas du tout formés au combat. Les seules troupes américaines qui se battent en continu sont celles dans le Pacifique. Et là, elles se battent avec âpreté et violence. On est à peu près au moment de la bataille de Guadalcanal. En Europe, les troupes américaines ne se sont jamais battues. Ce sont des bleus, au sens français du terme. Ils n'ont aucune expérience du feu. Et donc, il aurait été suicidaire, de toute façon, d'essayer avec des troupes qui ne s'étaient jamais battues et qui avaient à peine quelques mois de formation militaire, de débarquer en Europe. Il vaut mieux débarquer en Afrique du Nord donner le baptême du feu aux troupes qui seront ensuite utilisées pour les débarquements en Europe. Ça, ils ne le disent pas aux Britanniques, évidemment, puisqu'il y a des choses quand même qu'on ne dit pas aux voisins. Et les Américains avaient d'abord songé à susciter un soulèvement marocain contre la puissance coloniale. Et donc, les émissaires des services américains de l'OSS avaient étudié la question, puis dit que c'était plus raisonnable quand même de jouer sur les Européens d'Afrique du Nord plutôt que sur les indigènes. Mais reste la question essentielle, soit on s'appuie sur les résistants en organisant un coup de force contre les autorités de Vichy, soit au contraire on essaye de faire basculer les autorités de Vichy dans le camp allié. Je vous rassure, ils feront les deux. Ce qui va mettre les choses un peu plus compliquées. En août 1942, Churchill désigne Alexander comme chef de commandement du théâtre d'opération Moyen-Orient et Bernard Montgomery comme chef de la 8e armée. Alors bon, Montgomery, est-ce que c'est un grand soldat? Vous savez qu'il y aura toutes les polémiques de la Seconde Guerre mondiale sur la valeur du commandement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Britanniques, ça fait pratiquement plus de 2 ans qu'ils enregistrent défaite sur défaite à chaque fois qu'ils se battent contre les Allemands. Donc, il y a toujours une peur morale dans les Tommies de se prendre une nouvelle raclée. Et on a oublié cet aspect psychologique. Et Montgomery va réussir à dynamiser son armée, à lui redonner du moral et la persuader qu'elle a les moyens de vaincre. D'autant plus qu'elle a les moyens de vaincre, c'est que maintenant, les grands convois arrivent en Égypte et maintenant, l'armement de la 8e armée devient de plus en plus important. La puissance de feu devient de plus en plus écrasante par rapport à celle de l'Afrika Korps. Évidemment, les soldats savent que leur puissance de feu augmente parce qu'ils voient tous les jours le nouveau matériel, les tanks, les canons, etc., l'aviation, arriver sur le front. D'où le fait que le 30 août, quand Rommel lance une seconde offensive, ce qu'on appelle donc la seconde bataille de l'El Alamein, il ne réussit pas à percer. Et dès lors, les choses sont claires quand on regarde les effectifs. Les Allemands sont maintenant en position défensive. L'offensive est passée du côté britannique parce que le rapport de force est passé en faveur des Britanniques. Le Collège de France et France Culture vous présentent l'historien Henri Laurence, Les crises d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956. Aujourd'hui, la fin du commencement. Le 23 octobre commence la troisième bataille de l'Allaimen et le 2 novembre, le front germano-italien est rompu et Rommel va se montrer un très habile stratège en réussissant une extraordinaire retraite sur des centaines de kilomètres en évitant toutes les manœuvres successives d'encerclement que les Britanniques tentent pour le détruire. Le 8 novembre, c'est le débarquement américain en Afrique du Nord. Et cette fois, la résistance des vichistes est beaucoup plus symbolique qu'en Syrie. Alors, il y a entraînant une énorme confusion parce qu'au départ, les Américains se sont appuyés sur des commandos issus de la résistance pour prendre le pouvoir à Alger. Mais ensuite, ces commandos ayant échoué, ils se sont ralliés aux autorités de Vichy représentées par l'amiral Darlan. Ce qui fait que Vichy continue en Afrique du Nord, mais du côté allié, sous le commandement de Darlan. Ce que les Américains appellent de façon cynique un expédient provisoire. Hein, ce qui va d'ailleurs entraîner dans la foulée le ralliement de toute l'Afrique noire française aux alliés, puisque tous les préconsuls vichistes basculent de l'autre côté après que Darlan se soit rallié. En revanche, les Allemands ont eu le temps d'occuper la Tunisie, mais en février 43, les forces de l'Axe ont perdu l'essentiel de la Libye, et dès lors, l'armée américaine converge avec la 8e armée britannique dans la bataille de Tunisie, qui amène donc la capitulation de Tunis le 13 mai 1943. C'est ce qu'on a appelé Tunisgrad, puisque 130 000 Allemands et 120 000 Italiens ont été faits prisonniers, puisque les Allemands n'avaient aucun moyen d'évacuer leurs troupes. Ils ne pouvaient pas faire des Dunkerques comme les Britanniques le faisaient. Donc, c'est à comparer aux 380 000 tués, blessés ou prisonniers allemands à Stalingrad, d'où la bataille de Stalingrad s'est terminée le 2 février. 1943. Et dans le Pacifique, la faiblesse de la logistique japonaise et la perte de la suprématie navale ont mis fin à la menace japonaise sur l'Inde, même si il y a encore des batailles, en particulier des batailles très dures à la fin 1944 en Birmanie, entre l'armée japonaise qui tente une percée vers l'Inde et l'armée britannique de l'Inde. En tout cas, après Stalingrad et Tunisgrad, si vous voulez, c'est la fin du commencement. Les Allemands ont perdu l'initiative des opérations et ils ne peuvent plus mener que des contre-offensives face à l'inexorable progression des armées des Nations Unies. En février 1943, Eisenhower s'est vu rattaché à son commandement suprême des forces alliées en Afrique du Nord, la 8e armée britannique. Autrement dit, maintenant, c'est les Américains qui contrôlent, enfin qui ont le poste de commandement suprême des forces occidentales, même si le commandement du Moyen-Orient reste aux mains des Britanniques, mais ce commandement n'est plus qu'un faisceau de forces d'occupation et de systèmes logistiques. Puisque après Tunis, la bataille de la Méditerranée se poursuit, mais elle s'éloigne du monde arabe, puisque ce sont les débarquements successifs en Sicile, puis en Italie. L'Afrique du Nord et française est donc passée du côté des Alliés, même si Vichy se poursuit sous la direction de Darlan et de Giraud. Et c'est dans cette confusion, dans ce brouillage, c'est pour ça que ça fait toujours ricaner quand De Gaulle dit « vers l'Orient compliqué ». En 1942-43, c'était les Français qui étaient vraiment compliqués. Entre une France libre, une France de Vichy ralliée aux Alliés et une France de Vichy qui était toujours sur occupation allemande. Donc c'était eux qui étaient compliqués et pas les locaux. En tout cas, l'Allemagne a tenu jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la perte de Tunis, et même au-delà, à ménager le maréchal Pétain. Au moment du débarquement en Afrique du Nord, le mufti a immédiatement proposé une déclaration allemande favorable à l'indépendance des pays d'Afrique du Nord et parlé de la création d'une armée maghrébine de libération. Mais tout ça a été rejeté par les Allemands. Dans une lettre qu'Hitler adresse au maréchal Pétain le 26 novembre 1942, Hitler garantit la préservation de l'empire colonial français. Et en dehors de la France de Vichy, il faut ménager l'Italie fasciste et l'Espagne franquiste, toutes les deux résolument hostiles à une indépendance arabe. Et dans la mesure de la bataille de Tunisie, les Allemands sont obligés encore de ménager les Vichysois qui sont sous leur contrôle en Tunisie, donc pas de proclamation pro-arabe. La propagande radiophonique allemande s'est surtout orientée vers les Européens d'Afrique du Nord, accusant les Anglo-Saxons d'outrager les femmes, de piller les ressources des pays, de vouloir y installer 2 millions de Juifs. Des thèmes analogues avec en plus la défense de l'islam sont adressés à la population musulmane. L'impact de cette propagande semble être totalement nul, sauf en France métropolitaine, dans les milieux collaborationnistes. En tout cas, les habitants d'Afrique du Nord ont avant tout vu devant eux l'énorme puissance américaine avec sa surabondance de matériel. L'armée d'Afrique, qui est reconstituée en 1943 pour former le corps expéditionnaire en Italie, puis la première armée française de Delatte de Tassigny, comprendra 410 000 hommes, dont 176 000 Européens, Juifs compris, et 233 000 musulmans. On n'est pas du tout dans les mêmes chiffres que les quelques centaines de volontaires arabes dans les armées du Reich. Alors, faut dire que c'était un choc de voir les Américains arriver, parce que les armées de la Seconde Guerre mondiale, elles étaient encore des armées à traction semi-animale. L'armée allemande sur le front russe utilise encore des chevaux pour tracter les canons. Et évidemment, l'armée française d'Afrique, elle est remplie de mulets. Et ce qui sera d'ailleurs très utile à Monte Cassino. Mais les armées américaines sont, elles, complètement motorisées de A jusqu'à Z. Et c'est un choc. Des militaires français, ils se sont dit, bon, voilà, on a 100 000 hommes, donc ça fait que 70 000 au combat. Et les Américains disent, ah non, 100 000 hommes, ça veut dire 30 000 au combat, parce que le reste, c'est dans la logistique. Hein, ça vous donne les rapports. Encore une fois, les généraux américains n'ont pas été de très, très grands généraux de la Seconde Guerre mondiale, mais ils disposaient de quelque chose qui était une supériorité écrasante, c'était la logistique. C'était d'extraordinaires logisticiens. Et ils ont été capables de propulser des millions d'hommes à des milliers de kilomètres de distance, en leur assurant un ravitaillement constant, ce qui explique leur victoire finale. Alors, la Palestine dans la guerre. Le dénouement en Afrique du Nord ouvre les perspectives politiques au Proche-Orient, puisque en fait, tout le monde attendait de savoir qui allait gagner la bataille du désert occidental. Quand l'Afrika Korps était à El Alamein, les Britanniques ont compté conduire et encourager les formations d'unités militaires clandestines juives de la Haganah, la milice juive, qui pourrait être utilisée pour mener des guérillas en cas d'occupation allemande de la Palestine. En même temps, le mouvement sioniste ne peut plus accepter la perpétuation du mandat si l'immigration juive reste interdite ou seulement limitée. Ben Gurion subordonne toute son énergie au projet exclusif de constitution d'un État juif, mettant en second ce qui pourrait constituer un sauvetage, au moins partiel, des Juifs d'Europe, qui ne sont plus vus que comme un réservoir de population destiné à immigrer en Palestine. Ayant parfaitement intégré la logique politique de la région, Ben-Gourion ne voit de solution que dans la mobilisation du judaïsme américain, seul capable d'influer sur la conduite du gouvernement des États-Unis. Le leader sioniste a parfaitement compris qu'en dépit des penchants pro-sionistes de Churchill, les intérêts globaux de l'Empire britannique passeront toujours en priorité. À l'automne 1940, Ben-Gourion s'est rendu aux États-Unis pour pousser les Juifs américains à s'opposer à la politique britannique en Palestine, à un moment où la Grande-Bretagne a un besoin vital, au sens le plus littéral du terme, de l'aide américaine. Il y retourne du 24 novembre 1941 au 18 septembre 1942 et fait adopter par le sionisme américain ce qu'on appelle le programme de Biltmore, qui est, non pas Baltimore, mais Biltmore, c'est le nom d'un hôtel à New York. Le 11 mai 1942, appelant à constituer la Palestine en Commonwealth juif avec une pleine liberté d'immigration. Commonwealth, c'est un de ces noms merveilleux que les anglo-saxons disposent, dont on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc c'est suffisamment vague pour pouvoir être accepté comme un thème de propagande. La raison d'état de Ben-Gourion se conjugue avec la pleine conscience des Juifs américains que l'opinion publique américaine est profondément hostile à tout accueil de réfugiés juifs européens. Seulement 21 000 Juifs étrangers ont été admis aux États-Unis de Pearl Harbor à la capitulation allemande, soit moins que la seule Suisse qui a accueilli 22 000 Juifs durant la même période. Alors que 400 000 prisonniers de guerre allemands ont été transférés sur le sol des États-Unis. Donc ce n'est pas une question de tonnage de transport, c'est une question d'accueil. Roosevelt avait tenté de faire une expérience en mettant quelques centaines de réfugiés juifs dans une base militaire américaine sur le sol des États-Unis et la population de la région avait interdit aux réfugiés de quitter la base. Ce qui montre l'hostilité profonde de l'opinion publique américaine aux réfugiés. Et Roosevelt sait de toute façon que l'électorat juif lui est captif. Tout simplement parce que le parti républicain est beaucoup plus xénophobe et antisémite que le parti démocrate aux États-Unis. Donc il aura toujours l'électorat juif pour lui. Donc, dans la mesure où les Juifs américains ont conscience qu'ils ne peuvent pas faire passer des réfugiés d'Europe sur le sol des États-Unis, le soutien au foyer national juif semble la seule voie de sortie, ce qui explique la mobilisation du judaïsme américain en faveur du mouvement sioniste. Il y aura un petit groupe de militants de l'Irgun, donc de la droite du mouvement sioniste, qui essaiera de se lancer dans une campagne en faveur du sauvetage des Juifs d'Europe et ils seront désavoués et combattus par le sionisme majoritaire. C'est encore une fois, on a vu que pour 1933, que c'était la même chose, c'était plutôt la droite sioniste qui avait essayé de jouer contre la carte allemande plutôt, tandis que le mouvement sioniste officiel, mais par raison d'État, je veux dire, et par le fait qu'ils sont sionistes, donc, leur but, c'est bien de créer un État juif en Palestine, pas autre chose qui explique ce comportement. Du côté arabe, la propagande radiophonique allemande, où le mufti joue un rôle non négligeable, ne semble pas avoir de réel impact. Le pays, en dépit de quelques pénuries alimentaires, est en pleine croissance économique du fait des commandes britanniques et l'inflation profite largement à une paysannerie arabe en voie de désendettement, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. La politique stricte des autorités mandataires en matière d'immigration tranquillise la population. Évidemment, on a eu peur quand les Allemands sont entrés en Égypte au début de 1942 parce qu'on n'avait pas envie de voir la Palestine devenir un champ de bataille si les forces allemandes traversaient le canal de Suez. Mais au-delà, on n'a pas bougé. En dépit de la terrible répression britannique des années 1936-39 et de l'importance de la croissance économique créée par les commandes de guerre britanniques, le recrutement de volontaires arabes dans l'armée britannique est assez conséquent pour la Palestine seule, je parle ici. Du 1er septembre 1939 au 31 décembre 1945, 12 246 Arabes palestiniens se sont engagés dans l'armée britannique, dont 7 778 dans des unités combattantes, contre 26 125 Juifs, dont 10 483 dans des unités combattantes. Alors, en gros, on est à peu près dans les mêmes rapports, compte tenu du fait que si les Arabes font les deux tiers de la population de la Palestine et les Juifs un tiers, quand on voit les pyramides des âges, on a à peu près le même nombre d'hommes adultes mobilisables des deux côtés, puisque la population arabe est beaucoup plus jeune, avec énormément d'enfants, donc de gens qui ne sont pas mobilisables, évidemment, enfin mobilisables, utilisables dans une armée, puisqu'il n'est pas question de mobilisation, mais de volontariat. Ne serait-ce qu'encore une fois, les mandats interdisent la levée de soldats forcés. Ça fait partie des règlements. Il peut y avoir des volontaires qui viennent se battre dans les armées, mais pas de mobilisés dans les mandats. Vous aurez un certain nombre de Syriens et de Libanais qui iront se battre dans la France libre, mais en tant que volontaires. Alors, donc, ce recrutement volontaire d'Arabes palestiniens est à comparer à peu près moins d'un millier de volontaires arabes qui se sont retrouvés finalement dans les armées de l'Axe. Alors, si on veut avoir la totalité des chiffres, si on prend en compte la totalité des musulmans engagés dans les armées de l'Axe durant la Seconde Guerre mondiale, on a à peu près 2 à 3 dizaines de milliers de musulmans engagés dans les armées de l'Axe durant la guerre, essentiellement des balkaniques, des musulmans bosniaques et des caucasiens. Si on regarde les caucasiens, on voit que la répartition des volontaires caucasiens dans l'armée allemande est à peu près égale chez les musulmans comme chez les chrétiens caucasiens, donc le facteur religieux n'a pas joué. Donc encore une fois, moins de 30 000 Arabes musulmans dans les armées de l'Axe à comparer aux centaines de milliers de soldats musulmans venus des armées coloniales, c'est vrai, dans les armées alliées. Ceci parce qu'il y a tout un discours aujourd'hui que j'appelle un peu la nazification des Arabes ou des musulmans qui laisse croire que les musulmans de la Seconde Guerre mondiale étaient tous du côté de l'Allemagne nazie, ce qui évidemment, les chiffres montrent exactement le contraire. Alors, en ce qui concerne la connaissance que pouvaient avoir les exilés arabes en Europe occupée de la destruction de la population juive en cours, la question est plus compliquée. Ils savaient bien, évidemment, comme tout le monde, qu'il y avait persécution, mais cela ne semble pas les avoir affectés particulièrement. Les mémoires publiées après la Seconde Guerre mondiale, en général, l'ignorent. Alors, la seule exception notable dans les mémoires, c'est celle de Benjamin al-Husseini, qui mentionne dans ses mémoires un déjeuner avec Himmler. J'entendais à chaque fois Himmler tenir des propos qui trahissaient une haine violente à l'égard des Juifs. Il les accusait d'être des oppresseurs qui se présentaient en opprimés, d'attiser les guerres, d'être égoïstes, etc. Il exposait l'ampleur des dégâts qu'ils ont infligés à l'Allemagne dans la dernière guerre. Citation. Il ne cessait d'attiser la guerre afin d'en tirer des bénéfices financiers sans y risquer quoi que ce soit. C'est pourquoi nous avons décidé de leur faire payer d'avance pendant cette guerre le prix de leurs actions nuisibles. Nous en avons déjà exterminé près de 3 millions. Donc cette discussion avec Himmler, d'après les mémoires de Benjamin, a eu lieu durant l'été 1943. C'est un texte qui m'est très utile parce qu'à chaque fois que je rencontre des négationnistes arabes, je leur dis, ben, le mufti, lui, il dit qu'il y avait 3 millions de juifs qui avaient été exterminés au moment de l'été 1943. Donc, il était quand même plus au courant que vous. Et dans ses mémoires, il n'a jamais nié le génocide de la Seconde Guerre mondiale. Il a dit qu'il n'en était pas responsable, mais il n'en a jamais nié l'existence. Alors je termine. Ce chiffre me surprit. Je n'avais rien entendu à ce sujet auparavant. Himmler me demanda à l'occasion « Comment escomptez-vous régler la question juive dans votre pays ? Je lui répondis : tout ce que nous voulons d'eux, c'est qu'ils rentrent dans leur pays d'origine. Il répliqua : nous ne les autoriserons jamais à retourner en Allemagne. Voilà ce que disent les mémoires du Mufti, à prendre pour ce que valent toujours des mémoires, qui sont parfois des reconstructions, mais je pense que le témoignage-là est valide. En tout cas, la lutte contre le sionisme, confondue avec le judaïsme, est un des grands thèmes de la propagande radiophonique des pays de l'Axe, avec du côté italien un discours qui se veut informatif. Là, je vais vous citer un extrait d'une émission de Radio Bari de janvier 1943. Le problème juif. Les gouvernements britanniques et américains sont d'accord pour transformer la Palestine arabe en un foyer juif. Ces gouvernements ont également l'intention d'accorder aux juifs une entière liberté dans tous les pays arabes afin de leur permettre de tout mettre en œuvre pour entraîner ces pays dans la guerre. Malheureusement, les plans de ces deux gouvernements ne se réaliseront pas facilement. Les anglo-saxons n'ignorent pas qu'une telle situation provoquerait de graves désordres dans tous les pays arabes, ce qui constituerait une grave menace tant pour les anglo-saxons que pour les juifs. C'est pourquoi ces deux gouvernements s'abstiennent de mettre leurs plans à exécution. Le sénateur américain Pepper, alors j'ai identifié ce sénateur américain qui était en effet un sioniste chrétien militant, donc c'est pas une invention, dans une déclaration faite il y a quelques jours à New York, a notifié au gouvernement anglais et américain qu'une aide immédiate accordée aux Juifs de Palestine signifierait la rupture de toutes les relations avec les pays arabes, ce qui préjudicierait à la bonne conduite de la guerre. Le sénateur Pepper a fait remarquer d'autre part que d'après cette guerre, rien n'empêchera les alliés de reconnaître les droits des Juifs en Palestine. Le journal turc Cumhuriyet écrit « Quand la Palestine appartenait à la France, cette dernière avait toujours protesté contre la création du foyer en Palestine, malgré l'assistance des gouvernements de Londres et de Washington. » Pas très clair comme formule. Quand la Syrie, oui. Le gouvernement français considérait que l'instauration d'un foyer juif en Palestine constituerait une grave menace pour la Palestine. Mais maintenant que la République syrienne est sous le contrôle des anglo-gaullistes, aucune protestation ne sera adressée au cas où ce même problème serait de nouveau remis sur le tapis. Le journal turc conclut en disant que les Arabes de la Syrie et du Liban s'opposeront de toute leur force à la création d'un foyer juif aux portes de leur pays. C'était les cours du Collège de France où venez d'écouter le 12 décembre 2018 l'historien Henri Laurence, Les crises d'Orient, l'hégémonie britannique, 1926-1956, aujourd'hui, la fin du commencement. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Henri Laurence. L'historien a notamment publié Les crises d'Orient, questions d'Orient et grands jeux 1768-1914 chez Fayard en 2017 et prochainement va paraître le tome 2 de ces crises d'Orient sous le titre La naissance du Moyen-Orient 1914-1949. Iconographie web Claire Poinsignon, réalisation Laure-Hélène Planchet, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration des crises d'Orient et de la Seconde Guerre mondiale en compagnie d'Henri Laurence. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Je vous souhaite une agréable journée à l'écoute de France Culture.